بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله عز وجل qui nous a comblé de cette assise en cette nuit du 10 Sha'ban 1441, qui correspond au 1er avril 2020. Eh oui, on est déjà le 10 Sha'ban. Le temps passe très vite, et chaque jour qui passe nous rapproche du rendez-vous que personne ne ratera. D'où l'importance de s'y préparer. Et ce confinement doit être pour nous une période où nous devons faire le point avec nous-mêmes et qu'on se rende à l'évidence, malgré le pouvoir, la force ou la fortune, nous sommes vulnérables et très faibles. Regardez ce que ce virus a fait au monde entier. À quoi ça nous sert d'enfler d'orgueil et de prendre les autres d'en haut et d'être injuste et d'être imbu de soi? Nous devons nous repentir d'un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et combler nos lacunes du passé. Regardez, ce virus touche toutes les sociétés, toutes les souches de la société, les politiciens, les militaires, les flics, les stars, les milliardaires, les pauvres, les sportifs, les femmes, les enfants, les vieux. Personne n'est à l'abri, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Et ceci doit nous pousser à vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à se conformer à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de dissiper ce mal et d'en préserver la communauté musulmane. Allahumma rfa'i al-bala'a an ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Revenons à notre sujet de ce soir. Souvent on entend et on répète cette noble phrase: le livre et la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alim. Et pour le rappel, car le rappel fait du bien en croyant, pour le rappel vient cette parole. Pourquoi il est obligatoire de comprendre le livre et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alim? Limada daruratu fahmi al-kitab wa sunna bifahmi salaf salih radhiyallahu alim. Comme vous le savez tous, salaf, en langue arabe, c'est ceux qui t'ont précédé parmi tes parents, tes grands-parents, et tous ceux qui t'ont devancé dans la vie. Quant à la terminologie religieuse, toutes les définitions que nous avons tournent autour, c'est les compagnons, ou les compagnons et leurs successeurs, ou les compagnons et leurs successeurs et les successeurs des nobles compagnons d'Allah alayhim. Ce terme désigne ces trois générations. Qala al-Qalshani al-Maliki rahimahullah: as-salafu as-salih hum as-sadr al-awwal ar-rasikhun fi al-ilm ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi فيجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه والاستغفار لهم. القلشاني المالكي رحمه الله a dit: salaf salih, c'est la première génération enracinée dans la science. Allah les a choisis pour accompagner son prophète. Il est obligatoire de les suivre dans ce qu'ils nous ont transmis et de suivre les preuves qu'ils ont mis en application et leur faire dua. Fin de citation de la parole de cet homme de science malikite. Wa qala ibn Hajar al-Butami rahimahullah: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم وأئمة الدين دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب كالخوارج وغيرهم. ابن حجر آل طامي آل أبو طامي رحمه الله دي سلف مذهب السلف لا voie du سلف désigne la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs et les imams de la religion et de la science, à l'exception de ceux qui étaient accusés d'une innovation ou réputés par un nom comme le Khawarij ou autre. Donc, Salaf, ce sont les compagnons et tous ceux qui sont sur leur voie jusqu'à la fin des temps. Pourquoi donc il est obligatoire de comprendre le livre et la sunna avec la compréhension des salafs? Les savants ont dit, premièrement, car ils avaient une noble biographie, ils étaient enracinés dans la science, ils étaient les plus sincères et ils étaient purs intérieurement. Ils ont dit aussi car ils ont accompagné le messager d'Allah et ont fait des efforts avec le messager d'Allah et ont combattu avec le messager d'Allah sur le sentier d'Allah et ils ont connu sa biographie. Ils ont dit aussi Allah les a choisis pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit aussi ils ont les éloges d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Et c'est ceci relaté dans beaucoup de versets et dans beaucoup de hadiths. Ils ont dit aussi, le messager a ordonné de les suivre et de les prendre comme modèle. Les hommes de science ont dit aussi, ils n'ont rien, que ces nobles pieux prédécesseurs n'ont rien innové dans la religion d'Allah. Ils ont dit aussi que le consensus de ces nobles compagnons et de ces salaf est une preuve irréfutable. Ils ont dit aussi, ils sont les meilleurs de cette communauté. Et ils ont dit, c'est eux qui ont la plus grande et juste compréhension de la religion d'Allah dans cette communauté. Ils ont dit aussi, c'est eux qui ont la plus grande connaissance de la langue du Coran et de l'explication du Coran. Ils ont dit aussi, et parce que le messager d'Allah nous a annoncé, et il est le véridique, qui n'a dit que la vérité, que le groupe sauvé, c'est ceux qui sont sur la même voie sur laquelle étaient lui et ses compagnons. Méditons maintenant ces versets concernant les mérites de ces nobles compagnons de ceux qui les suivent à la perfection. قال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Il est dit dans ce premier verset dans sourate Tauba, verset 88, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui auront le succès. Et ce sont eux qui ont eu le succès. Ah, là, c'est le premier verset qui nous montre les éloges et le bien de ces nobles salaf ridwanullah alayhim. Le deuxième verset, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le deuxième verset dans sa traduction approximative du sens, toujours dans sourate Tauba, verset 100, les tout premiers croyants parmi les muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'ansar, les auxiliaires ou les alliés de Médine, ceux qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les ont suivis à la perfection, pas n'importe quel suivi, ceux qui les ont suivis à la perfection. Allah les agrée et eux agréent ce que Allah leur réserve. Il a préparé pour eux, des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ça, c'est un autre verset qui nous montre les mérites de ses nobles compagnons et comme quoi il est obligatoire de prendre leur chemin et de prendre leur compréhension de cette religion et leur croyance qu'ils avaient. وقال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Et dans ce troisième verset qui nous montre les mérites et aussi le bien de rester avec ceux qui sont sur la voie droite. Regardez ce verset qui s'adresse à Mohammed alayhi salam, qui est pour toute la communauté. Patiente et endure en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détournent point d'eux pour chercher le faux brillant de la vie sur cette terre. Et n'oublie pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif. À notre rappel et qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Regardez, il a ordonné le fait de patienter, de rester avec ceux qui invoquent Allah et qui cherchent les récompenses d'Allah et qui cherchent la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun doute que les nobles compagnons sont prioritaires, rentrent en priorité dans ce verset. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Et dans ce quatrième verset dans sourate Al-Fath, verset 18, la traduction approximative nous dit ceci: Allah est satisfait des croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sur l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche. Regarde, Allah est satisfait de ses nobles compagnons qui sont la tête des pieux prédécesseurs après le prophète alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et aussi le verset dans sourate An-Nisa qui dit: quiconque fait scission d'avec le messager après avoir connu la vérité et suit une autre voie que la voie des croyants, ne le délaisseront sur la voie qu'il a choisie et ne le brûleront au feu de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Regarde, médite bien ce verset. Quiconque fait scission d'avec le messager, déjà c'est un énorme danger de prendre un chemin, une autre voie que le messager, après avoir connu l'épreuve. Mais ça s'est pas arrêté là. Il suit une autre voie que la voie des croyants. C'est-à-dire, il faut suivre la voie des croyants. Et la voie des croyants, c'est la voie du messager, alayhi salam. Il est prioritaire à rentrer dans les croyants, ce sont les nobles compagnons d'Allah alayhim. Ce sont eux, les premiers, qui sont concernés, qui sont, les gens de cette voie, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et Allah azza wa jal, ça, ce sont certains versets dans lesquels il relate les mérites de ses pieux prédécesseurs d'Allah alim et ceux qui les suivent à la perfection. Duquel, de ces versets, les savants dignes de la voie des salafs ont déduit qu'il est obligatoire de comprendre le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam comme ils l'ont compris, comme ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection l'ont comprise. Et qu'il est obligatoire de suivre leur voie et leur chemin et de ne pas en sortir et de ne pas en dévier. Voyons maintenant les mérites de ces nobles compagnons dans la sunna de notre prophète alayhi salam. Dans les livres du hadith, il y a toujours un chapitre intitulé « Les mérites des compagnons ». Certains savants, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, leur ont réservé un recueil spécifique, comme celui de l'imam Ahmed qui est sur 2 tomes, « Les mérites des compagnons ». Ou encore le livre de l'imam Tabari, consacré aux 10 compagnons à qui le Rasoul a annoncé à le paradis. D'autres ont écrit des recueils sur les 4 khalifs. Et dans tous les livres de la Sunna, on trouve ce passage, les mérites des compagnons. Et dans tous les livres de Aqida, on trouve un chapitre réservé aux compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Car c'est eux qui ont transmis cette religion à ceux qui sont venus après eux. Rawal Bukhari wa Muslim عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن حجر رحمه الله المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة, والمراد بالذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون, والمراد بالذين يلونهم هم أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين, وكذلك قال النووي رحمه الله. إذنك البخاري ومسلم rapportent le hadith qui dit les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui ont succédé à ceux qui ont succédé à aux nobles compagnons. Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari, ce qui est voulu par Qarni ici, dans ce hadith, c'est les compagnons. Et ce qui est voulu par ceux qui leur ont succédé, ce sont Tabi'oun, leurs successeurs. Et ce qui est voulu par ceux qui leur ont succédé, dans cette deuxième phrase, ce sont atba' tabi'un, les successeurs des successeurs des nobles compagnons. Il dit, rahimahullah, et ce hadith stipule que les compagnons sont mieux que tabi'in, et que tabi'un sont mieux que atba' tabi'in. Nawawi a dit la même chose, rahimahullah, dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih Muslim. Et voici un autre hadith qui nous montre les mérites de ces nobles compagnons, رضي الله عليهم. L'imam Muslim ou l'imam Ahmed rapporte à Nabi Moussa al-Ash'ari رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها, وأنا أمنة لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كما يقول هذا الحديث رابطة بالإمام مسلم وبار الإمام أحمد وابو موسى الأشعري دي المساجد الله دي les étoiles sont une garantie pour le ciel. Quand les étoiles disparaîtront, le ciel subira ce qu'il doit subir. Et je suis une garantie pour mes compagnons. Quand je disparaîtrai, il arrivera ce qui est promis à mes compagnons. Et mes compagnons sont une garantie pour ma communauté. Et quand mes compagnons disparaîtront, il arrivera à la communauté ce qui lui a été promis. Ce hadith, frère en Allah Azza wa Jal, et sur en Allah Azza wa Jal, est une des grandes preuves de la véracité de notre messager alayhi salatu wa salam, les choses sont arrivées comme il les a annoncées. Quand les étoiles disparaîtront, le ciel subira ce qu'il doit être. Ça, c'est la fin des temps. Hein? Il a dit, alayhi salatu wasalam, je suis garanti. Je suis une garantie pour mes compagnons. Et quand je vais mourir, ben, il arrivera ce qui est promis à mes compagnons, à savoir les fitaines qu'il y a eu, les guerres qu'il y a eu, les tribus arabes qui ont apostasé, l'apparition, le début de l'apparition des innovations et des divergences, hein. Et malgré cela, cette période est meilleure, est la meilleure. Et mes compagnons sont une garantie pour ma communauté. Et quand mes compagnons disparaîtront, il arrivera à la communauté ce qui lui a été promis. Quand les compagnons ont disparu, ben, il y a eu les innovations ont commencé à se propager, des tendances, les passions se sont propagées, hein, et beaucoup de choses, beaucoup de divergences. Et cela nous prouve quoi? Qu'il est obligatoire pour nous de s'attacher encore plus à la sunna de notre messager, alayhi salatu wasalam. Il y a la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah, alayhim. Regardez même, les ennemis d'Allah, azza wa jal, sont obligés maintenant de dire malgré eux, Muhammad, hein, ils disent pas au mal au messager, mais ils disent Muhammad a préconisé et a annoncé à sa communauté, il y a plus de 14 siècles, l'isolement et le confinement, hein, préventif contre les pandémies, etc. Et il commence à relater les bienfaits de la Habba Sauda et d'autres choses qui sont relatées dans la médecine du prophète alayhi salatu wasalam. Hein? Cela, c'est une leçon que nous devons retenir de cette pandémie, c'est que il doit encore renforcer notre certitude sur notre religion, sur la sunna de notre prophète alayhi salatu wasalam, et sur la voie de nos pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Et un troisième hadith qui nous montre les mérites de ces nobles compagnons de Allah alayhim, c'est le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu wa arda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إيه أبو سعيد الخدري أدي نصحات تخبط بار إمام بخاري وإمام مسلم n'insultez pas mes compagnons. Si quelqu'un parmi vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas la poignée ou la moitié de poignée de quelqu'un parmi eux. Hein? Que vont dire Allah subhanahu wa ta'ala sirawafid? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qu'il débarrasse la communauté musulmane et qu'il repose cette pandémie de la communauté musulmane et qu'il la rejette sur sirawafid, qui insulte les nobles compagnons et qui ah, qu'ils les ont rendus mécréants à part 5 ou 6. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Où est-ce qu'ils vont se mettre? Regardez. C'est quelqu'un, hein, vient à dépenser l'équivalent de la chaîne de Houd en or. Ce n'est rien devant les dépenses qu'ils ont fait, ces nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. Là, ils ont tout donné, ce qu'ils avaient pour la religion d'Allah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la montagne de Houd n'équivaut pas à la poignée. La montagne de Houd d'or en dépense n'équivaut pas à la poignée des choses de la charité ou de le monde qu'il aura fait un compagnon. Regardez ce mérite. Nous devons leur reconnaître ce mérite et suivre leur chemin. Et bien lire leur biographie et prendre les leçons dans leur biographie كذلك في حديث الفرقة الناجية قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه الترمذي والحاكم et aussi ce quatrième hadith que vous connaissez le hadith du groupe sauvé le hadith du groupe sauvé où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division qu'il allait y avoir dans la communauté il a dit alayhi salatu wa sallam et ma communauté se divisera en 73 groupes tous en enfer sauf une on interrogea le messager d'Allah laquelle ya Rasulallah il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons le hadith est rapporté par Tirmidhi par Al-Hakim et il est authentifié par Cheikh Nasser Abdil Albani rahmatullah alayh et ce hadith fait partie aussi des emblèmes de la prophétie de ce messager alayhi salatu wassalam parce que les choses sont arrivées comme il les a annoncées alayhi salatu wassalam fait Allah subhanahu wa ta'ala faut pas prêter attention à ces confusions, à ces ambiguïtés que certains propagent. Oui, avec ce hadith, vous mettez toute la communauté dans le, au feu de l'enfer. Ou vous divisez la communauté. Akhal Islam, c'est pas nous qui divisons la communauté. Allah a décrété que cette division existe. Pour un but bien précis, c'est une épreuve. Pour savoir qui va suivre le chemin droit et chercher et se cramponner au chemin droit. Et cette division arrive comme l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on met personne en enfer. Sera en enfer celui qui l'aura mérité. Si sa divergence avec la voix du noble compagnon et du domaine de la mécréance, ben il sera en enfer. Comme tous les mécréants. Et si sa divergence avec la voix des nobles compagnons et du messager alayhi salatu wassalam n'est pas du domaine de la mécréance, bah, il est soit sous le vouloir d'Allah, il dépend de la volonté d'Allah. Si Allah veut le châtier, ça sera justice accomplie. Et si Allah, lui pardonne, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il l'a comblé. Et ça, c'est la volonté d'Allah. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas à être gêné de dire ce hadith parce que c'est ce hadith difficile. Là, il n'y a rien de difficile. C'est la parole du messager, alayhi salatu wassalam, mais c'est une vérité. Seulement, ce hadith, il faut le prendre avec la compréhension de le pieux prédisseur d'Allah, alayhim. Et nous n'avons pas à émisser notre esprit et à disserter sur ce hadith. Ce hadith, il concerne la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit du groupe sauvé, ce sont ceux qui sont sur la même voie sur laquelle il est lui aujourd'hui et ses compagnons. Et comme il a dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, ce groupe est sauvé deux fois. Une fois dans ce bas monde, il a été épargné des innovations et de suivre les passions. Une fois, au moment de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec la voix du messager alayhi salatu wassalam et la voix de ses nobles compagnons d'Allah alayhim, ce qui est la voix que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. وجاء في المصنف عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن واتل بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. Et regardez aussi pourquoi il faut suivre leur chemin. Et pourquoi il faut comprendre le livre et la sunna avec leur compréhension. Regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wasalam dans le hadith de Watil ibn al-Asqa', rapporté dans le Musannaf de Nabi Shayba, avec une bonne chaîne de transmission. Il a dit, radiyallahu anhu arda, que le messager a dit, vous serez dans le bien tant qu'existe parmi vous ceux, tant qu'existe parmi vous celui qui m'a vu et qui m'a accompagné. Par Allah, vous serez dans le bien tant qu'il y a entre vous ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu et m'ont et ont accompagné ceux qui m'ont accompagné. Regardez ce mérite de la bouche de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Il a dit à ses compagnons, vous allez être bien tant qu'existera au milieu de vous ceux qui m'ont vu et qui m'ont accompagné. Et il a dit aussi pour les autres qui arrivent après eux, vous serez dans le bien tant que vit au milieu de vous ceux qui ont vécu avec ceux qui m'ont accompagné, qui les ont accompagnés. Allahu Akbar. Vous serez dans le bien tant qu'existe parmi vous celui qui m'a vu et qui m'a accompagné. Par Allah, vous serez dans le bien tant qu'il y a entre vous ceux qui m'ont vu, ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu et ont accompagné ceux qui m'ont accompagné. Regardez ce noble mérite de ces nobles compagnons d'Allah alayhim. Où sont parties les raisons d'Ir Rawafid? Ir Rawafid, comme a dit un certain de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim, s'ils devaient être des oiseaux, ils seraient des rachm. Rachm, c'est un genre de d'aigle, qui a une tache sur sa poitrine blanche. Il a une particularité. Quand il quitte son lit, il ne sait plus retourner à son lit. Ainsi, un certain plus prédécesseur d'Allah lui a désigné. Il a dit, s'il devait être des oiseaux, il serait des rachm. Et s'il devait être des animaux, il serait des ânes. Wallah al-musta'an. Ils se permettent de parler sur Abu Bakr, sur Omar, sur Uthman, et sur Ali et d'autres. Ali, ils l'ont épargné parce qu'ils prétendent qu'il est l'imam et ainsi de suite. Mais en réalité, ils ont une grande haine contre les Arabes. Les Perses ont toujours gardé cette haine contre eux, les musulmans arabes, parce qu'ils ont détruit leur empire. Voyons le sixième hadith qui nous prouve les mérites de ces nobles compagnons et comme quoi il est obligatoire de suivre leur chemin. Le hadith que vous connaissez tous, le hadith de l'Irbad ibn Sariya. Quel nous devons prendre ce hadith, le mettre en application parce que c'est un noble hadith. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons aussi, « Comme bitaqwa Allah, wa sam'i wa ta'a, wa in abdun habashiyun, fa innahu man ya'ish minkum, fa sayara ikhtilafan katira, wa iyaakum wa muhdathat al-umur, fa innaha dhalala, فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد. يدل وهذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تعني وتفسر ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا يفيد هذا القول أن للخلفاء الراشدين سنة تتبع دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنهم اتبعوا سنته والمراد سنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم Et dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, nous devons le méditer ce hadith et prendre les leçons qu'il y a parce que ces leçons sont nombreuses. Regardez dans lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé taqwa, le fait de préserver les droits d'Allah, de mettre en application ses ordres avec preuve ou n'ayant en espérant la récompense minallah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve ou n'ayant peur du châtiment d'Allah. Et il leur a conseillé le fait d'écouter et d'obéir à leur gouverneur, même si c'est un esclave éthiopien. Et il leur a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Là aussi, c'est un signe de la prophétie et de la véracité de notre messager, alayhi salam. Parce que les nobles compagnons ont vu la naissance des divergences que leur a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il leur a dit dans les conseils dans ce hadith, et attention à toute nouveauté. Car toutes les nouveautés, c'est-à-dire toutes les innovations de la religion, c'est un égarement. Il dit, celui qui vivra parmi vous, verra ces divergences, ces nouveautés, etc. Et il leur a conseillé, cramponnez-vous à ma sunna. C'est-à-dire, cramponnez-vous à ma voix. Il y a la voix des khalifs bien guidés. Mordez dessus avec vos molaires. Mordez dessus avec vos molaires. Les hommes de science disent cette phrase du prophète alayhi salam, cramponnez-vous à ma voix et à la voix des khalifs bien guidés, c'est l'explication et la signification de l'autre phrase dans le hadith du groupe, la voix sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Cette phrase explique l'autre et l'autre explique celle-ci. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés, ça veut dire la même chose que la phrase qu'il a dit, la voix sur laquelle je suis moi et mes compagnons. La tête des compagnons, c'est qui? Les quatre khalifs bien guidés, radouanallah alayhim. Car la voix des khalifs bien guidés est une voix qui est obligatoire de suivre, car il est identique à la voix du messager, alayhi salam. Et il n'y a aucune différence entre la voix de ces nobles khalifs bien guidés et la voix du messager alayhi salatu wassalam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi al-majmou' al-mujallad al-awwal safha 282 wa amma sunnatu al-khulafa' ar-rashidin fa innama sannuhu bi amrihi fa huwa fi sunnatihi wa la yakunu fi ad-din wajiban illa ma awjabahu wa la haraman إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه. Et Cheikh l'Islam rahimahullah dit, la voix que les khalifs bien guidés ont pris, ils ont emprunté cette voix par l'ordre du messager alayhi salatu wassalam. C'est impossible qu'il y ait quelque chose dans la religion d'obligatoire sans que ça ne vienne pas du messager alayhi salatu wassalam. Et c'est impossible qu'il y ait quelque chose d'interdit dans la religion sans que ça vienne pas du messager alayhi salatu wassalam. Et c'est impossible qu'il y ait quelque chose de préférable à faire sans que ça vienne du messager alayhi salatu wassalam. Il nous montre, rahimahullah ta'ala, que la voix de ces khalifs bien guidés, ce n'est que la voix du messager alayhi salatu wassalam. Qu'ils n'ont rien à innover dans la religion d'Allah. Comment ils pourraient jamais, eux qui n'ont pas cessé de rompre l'avis du prophète alayhi salatu wassalam, de l'entendre dire dans chaque Jumu'a, kullu bid'atin dalala. Chaque innovation est un égarement. Et qu'ils l'ont entendu dire, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui met en application, qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans notre religion, il lui sera rejeté. Et ceux qui l'ont entendu et transmis de lui, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove quelque chose dans notre religion, il lui sera rejeté. Jamais, redouanullah alayhim, ils ont transmis la religion comme il se doit. Ils ont jamais osé dire quelque chose ni sur le Coran, ni sur la Sunna. Regardez, durant cette maladie, dans laquelle nous sommes, le Ta'un de Amwas, l'épidémie qu'il y a eu en Palestine là-bas, à Mouaz. Quand Omar ibn al-Khattab, sur le chemin, il l'a su, il a réuni les compagnons pour leur demander est-ce qu'ils savent quelque chose sur Taoun. Et ceux qui étaient présents là ne le savaient rien. Et Abdurrahman ibn Auf est venu. Il lui a dit, j'ai entendu le prophète al-Islam dire que quand on est dans une ville ou dans un village dans lequel il y a la peste, on ne sort pas. Et quand on est en dehors, on n'y rentre pas. Qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab? Il a fait demi-tour, il est revenu. Hein? Il s'arrête, ridwanullah alayhim. Là où les arrêtent les textes, où sommes-nous de ce noble comportement? Où sommes-nous de cette position ferme que nous devons avoir dans notre religion pour avoir la satisfaction d'Allah? Alors, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala a un prix. Le prix, c'est de soumettre son nefs à ce que veut de nous Allah. C'est d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam, et de mettre la vérité en avant par rapport à nos désirs, par rapport à nos passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. قال الفلاني رحمه الله في قاضي همم أولي الأبصار وإنما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفلان رحمه الله dans son livre إيقاظ الهمم a dit, on dit la voix du prophète صلى الله عليه وسلم, on dit la voix du prophète de Abu Bakr et de Omar pour faire savoir que le prophète est mort sur cette voie. C'est ainsi que doit être compris le hadith, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Donc, il n'y a aucune confusion dans l'annexion, dans la phrase, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Hein? Et donc, il n'y a aucune confusion là-dessus. Pourquoi? Car les khalifs n'avaient pas une voix indépendante. Les khalifs n'avaient pas une voix indépendante. Les khalifs n'avaient pas une voix indépendante qu'on doit suivre en dehors de la voix du messager alayhi salam. قال ابن حزم رحمه الله إن الأمر باتباع الخلفاء الراشدين لا يخلو من أحد وجهين, إما أن يكون عليه الصلاة والسلام أباح أن يسن أن يسن سننا غير سنته وهذا لا يقوله مسلم, وإما أن يكون باتباعهم في اقتدائهم بسنته فكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا. الإحكام في وصول الإحكام, ابن حزم رحمه الله dans son livre l'Ihkam fi usuli l'Ihkam, il a dit l'ordre de suivre les khalifs bien guidés, l'ordre de suivre les khalifs bien guidés ne sort pas de ces deux situations. Soit le prophète leur a autorisé d'instaurer des sunan en dehors de sa sunna, et cela ne peut pas être dit par un musulman. Ou alors, c'est de les suivre dans leur suivi du messager alayhi salam. Et c'est ce que nous disons, et le hadith ne peut être expliqué que par cela. Regardez cette compréhension qu'ont les hommes de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans la religion. Et qu'on sache, frère en Allah, et sur en Allah, que notre salut, nos honneurs, notre suprématie, ne nous viendra que du livre et de la sunna et de la voix des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. En dehors de ça, on perd notre temps. En dehors de ça, on va à notre perte. En dehors de ça, on perd notre bas monde et on perdra aussi le delà. Parce que la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est le chemin de ses nobles compagnons. Cette voie que nous demandons dans chacune de nos prières, guide-nous sur la voie droite. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ce n'est que la voie de ses nobles compagnons, du messager alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Hein? Qu'on ne se fasse pas avoir et qu'on cherche cette voie, les fondements de cette voie, les principes de cette voie, les caractéristiques des gens de cette voie, et qu'on accomplisse ça dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de la religion. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.